ça se passera pas comme ça, ça se passera pas comme ça. Si vous saviez comme c'est beau d'être bien dans sa peau, je bois mon pastis au bar avec le chef de gare. Je me gare n'importe où, je vous jure que je suis heureux, mais ça emmerde les gens quand on vit pas comme eux. Et les gens disent de moi, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête ce type-là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole les gars, elle est drôlement bizarre les gars. Ça se passera pas comme ça, ça se passera pas comme ça. Voyant que sur cette terre tout n'était que vice, et que pour faire des affaires je manquais de malice, je montais dans mon engin interplanétaire, et je ne remis jamais les pieds sur la terre. Et les hommes disaient de moi, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête ce type-là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole les gars, elle est drôlement bizarre les gars. Ça se passera pas comme ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Il a une drôle de tête ce type-là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? J'ai rencontré... Non. Reste calme, s'il te plaît. Merci. Le « s'il te plaît » est toujours de rigueur dans n'importe quelle circonstance. C'est de un, c'est un respect. « S'il te plaît », c'est quand même un signe de... Oh non. Nous sommes en communication avec, sans doute, des intraterrestres. Attendez un petit peu. Il se passe quelque chose. Attendez-vous. Il faudrait peut-être monter le volume. Là, si on monte le volume, il faut tout défaire le module d'enregistrement. Mais restons à l'écoute pour quelques secondes. Ouais. Nous sommes ici sur Terre. Où? À Québec. Si vous voulez venir atterrir près de chez moi, j'ai une belle cour arrière. Pas devant, derrière ma maison, j'ai une piscine que j'ai pas choisie. Non, jamais je voulais avoir ça, une piscine. Ah, que du trouble. Dans une piscine, sur une baie, à l'intérieur de l'eau, là, OK, il y a de l'eau dans une piscine. Vous, avez-vous de l'eau dans votre piscine, madame? Vous savez pas encore? Demandez à votre mari. Mais, selon moi, là, il va vous répondre oui. Vite comme ça, là, je réfléchis pas. C'est instinctif. S'il dit non, appelez-moi. Ça risque d'être étrange, là. Une piscine, pas d'eau. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Y a-tu fait couler du ciment? Approchez-vous pas du bord, là. Hein? J'ai déjà vu ça, moi, à télé, là. Dans des crimes passionnels. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous aimez? Y a pas de passion? Bon, y a pas de risque. Ah, mais à vous de l'argent! Est-ce qu'il y a... Hey, attendez, madame, là. Attendez, écoutez-moi. Restez calme. Avez-vous une assurance? Et si oui, en est-il... aura-t-il la possession de tout cet argent? Ça, c'est très important. Pour plusieurs facteurs. Le premier, qui est très facile, vous éliminez pour toucher le magot. Ouais, je sais que vous êtes irremplaçable. Vous faites la meilleure... Ah oui, vous, c'est vrai que votre tarte au sucre, madame, là... Oh, mon Dieu! Même les grands restaurants, moi, je me promène partout, là, dans mon monde intérieur, là, puis il n'y a pas une place où je peux manger votre tarte au sucre, parce que vous savez que c'est pas vraiment du sucre que vous mettez, mais c'est une crème, hein? Une sainte crème, sans doute, venue de l'eau d'Alase, ça, on le sait pas. Et c'est votre secret, dites-nous-le pas, c'est ce qui fait votre charme. Ouvrez un restaurant, moi je vais vous soumettre, on va faire un appel à tous sur les internets, cybernétiques. On n'a pas de maudite scène, mais on va ramasser, ben oui, pour le talent, pour faire illuminer le cœur et les yeux qui pétilleront sans doute devant un mets aussi subtil que votre tarte au sucre. Ouais, c'est du sucre à la crème. mais on dira pas comment vous la faites, votre sucre, comment vous le faites, votre sucre à la crème. Ben non, c'est... Ben oui, c'est de la coquetterie. Bon, exactement. Tu sais, comme moi, là, je fais mon propre vigné, moi, je fais mon merlot. Il n'est pas enchanteur, quoique il vous enchantera les papilles gustatives. Ah, oh, avec votre nom. Je vous dis, là, on s'associe. Je vous fournis mon vin, mon merlot. Rouge, bien sûr, pas blanc, blanc. Ah, quelle trahison! Vous buvez du blanc, vous ratez votre vie! Savez-vous ça? Arrêtez-moi ça, commencez à vous convertir au rouge. Pourquoi le rouge? C'est plein positivisme, le rouge. Pour la santé, c'est numéro un. Le blanc, il n'y a rien de positif. Tout est négatif dans le blanc. Blanc, du vin blanc. Tu sens ça, c'est presque le vinaigre intégré. Je retournerais tous les vins blancs en disant, bah, il me semble que c'est bouchonné. Il me semble qu'il n'y a pas de saveur. Il me semble qu'ils goûtent toutes la même, hein, toute la même chose. C'est dégueulasse, le blanc. Écrivez-moi, Renal Québec, écrivez-moi. Facebook, essayez de me rejoindre sur Facebook. Il y a un monsieur là, qui m'a dit il n'y a pas longtemps que je riais du PQ. C'est pas vrai. Je ris avec le PQ. Attention, là, ne pas confondre avec le PQ. Non, le parti politique, là. PQ. Moi, j'ai... Oui, péquiste, moi. Hey. Oui, madame. Oui, monsieur, péquiste. Dans l'âme. Dans l'âme. Que le monsieur m'a dit, bon, pourquoi vous avez ri du PQ? Pourquoi tu as ri du PQ? Parce qu'on se connaît. Hein? On se connaît comme Barabas en passion, là, hein? Moi, j'ai laissé aller comme ça à ce cher ami que j'adore et que je serre la main solennellement en disant « Enchanté de vous connaître ». Ben oui! Vous pouvez me rejoindre sur Facebook aussi, c'est ça que je voulais en venir. Je réponds pas tout le temps. Dans les courriels, toujours, pas toujours un S. Donc, au pluriel. Écrivez-moi au pluriel, au singulier, Renal, RENALDQUEBECA@commercialalume.com. Je vous répondrai. Sur Facebook, ben, c'est parce que ça rentre pas dans mes... il faut que j'aille voir dans mes... Hein, bon. Et puis, je ne vais pas souvent dans mes... Hein, bon. Quand je vais voir dans mes... Ah, bon, c'est parce que là... Je vais me coucher. Il me reste quelques secondes avant de fermer mon ordinateur, quoique je ne le ferme jamais. Mais je débranche le circuit Internet, là. Mais mon ordinateur reste tout le temps allumé. Ah oui. Parce que moi, j'ai mis, vous savez, des comment tu appelles ça? Donc, il y a un terme en anglais, mais un écran de veille. Mon écran de veille, là, c'est tout... toutes les photos que je prends un peu partout dans ma vie. Et puis, en passant, j'ai un nouveau blog, un carnet cybernétique. Je préfère carnet cybernétique à blog. C'est Nikon Isumi. Et vous allez voir les photos que je place régulièrement, à peu près une fois par semaine, une fois par deux semaines. Et allez voir par curiosité, c'est quoi? Ben, vous tapez, je sais pas, qu'est-ce que vous tapez? On tape quoi, Raymond? On leur dira plus tard. Hein, c'est ça? Ben ouais, on n'est pas pressé, là. On est calme. Oh mon doux Seigneur. Moi, je serais prêt à me bercer pendant 5-6 heures en attendant le temps. Et comme je suis pas un gars violent, parce que dans mon entourage, là, approchez-vous, dans mon entourage, il y a des gens qui se sont fait arrêter. Oui, monsieur, ils se sont fait arrêter par des vendeurs de plats en plastique. Eux qui sont contre le plastique. Ça a passé un cheveu que la personne qui s'est... Hein, il se promenait dans la rue. Jacqueline, avec sa femme, Jacqueline. C'est pas de leur faute, ils s'appellent Jacqueline, Jacqueline, là. Ils se sont mariés, peut-être à cause de ça. Tu sais, c'était beau. Puis tout le monde, à chaque fois qu'ils les voyaient ensemble, « Ah, vous faites un beau couple. Ah, vous faites un beau couple, Jacqueline et Jacqueline. Ah! » Tu sais, déjà, quand on se fait dire ça, si c'est pas le conscient qui saisit, l'inconscient commence à s'engraisser là-dedans, là. Hein? Puis plus il s'engraisse, l'inconscient, c'est un peu comme le fouet. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton fouet, mais là, quand il y a un trop-plein, hein, c'est quoi? C'est une crise de foi. Pas de prière, et puis non, pas la sainteté, puis tout ça. Non, mais une crise de foi, ça veut dire que, tu sais, il te fait travailler ton foie, hein? Tu manges trop de beurre, tu fais pas attention à rien, puis brouh, il arrive ça. Et c'est comme ça, l'inconscient. Tu dis à tout le temps, ah, c'est beau comme non, puis vous faites un beau coup, puis même si tu te refuses, même si moi je suis fort intellectuellement, hey, j'ai eu des cours de psychologie à l'Université Laval là, pendant un an et demi. J'étais hors bac, puis c'était juste pour ma construction interne, construction intellectuelle, construction de ma vie à venir. Je voulais avoir des assises, tu sais, pour avoir une belle maison, là, avec... Il faut avoir un socle puissant, un socle fort. Il faut que tout ça se tienne. Mais si tu places ça dans le sable mouvant, whoop, abandon! Jacqueline et Jeanclin se trouvent maintenant ce soir dans une petite soirée, lumière tamisée, vin rouge et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui s'ensuit. Soit pleine, comme toujours, de bruit, de musique, de calme, de déraison, et puis d'amour. Qu'il y ait des bons buveurs, des bons musiciens, enfin des poètes, quoi. Des gens qui ont quelque chose à dire et qui n'ont pas la grosse tête. Ceux avec qui j'ai fait du temps des pique-assiettes. Des baise-mains perfides sur les mains indiscrètes. Des vieilles jeunes du 16e qui me faisaient venir pour quelques sous faire le fou dans leur luxe, mais avec la promesse un jour d'intervenir auprès d'un vieux ministre qui connaîtrait Guilux. J'aimerais qu'il y ait des gens qui aiment les enfants, les chiens, les oiseaux, qui aime la vie. Dans ma maison d'amour, dans ma maison d'amour. Et puis quand j'aurai 50 ans, si on me laisse le temps, si je suis comme toujours dans cette maison d'amour, j'aimerais que mes enfants, sinon pas fichu le camp, connaissent les vieux chacals, les requins, les loups de mer, avec qui je suis tombé dans toutes les galères, toutes les embuscades de Saint-Germain-des-Prés, quand on sortait des boîtes complètement beurrées. Je vous dis qu'à 50 ans, je le ferai encore. Je suis sûr qu'un matin, on nous foutra dehors parce que d'une boîte de nuit, on fera la fermeture et qu'on ira pisser sur les roues des voitures. Oh, imagine, toi 70 ans, moi 75, 4 heures du matin dans la salle de bain, toi essayant d'arranger ces petites rides mignonnes. Et moi, négligemment appuyé dans mon boxer short, je te dirai, tu sais que je t'aime, toi. Dans ma maison d'amour. Et puis, puis quand j'aurai tant et tant, et tant et tant, si on me laisse le temps, que mes copains viendront sur leur fauteuil roulant, le comparer au mien, avec un petit sourire. Et bien là, nous parlerons de l'avenir, et oui. Et puis, pas de rides, pas de lunettes, pas de fauteuil, pas de canne, même que nous danserons encore sur le nouveau Dylan. Puis je veux qu'on boive un coup et qu'on chante des rengaines, et puis que nos enfants se moquent de nos bedaines. Puis je veux que nos femmes nous fassent encore le coup de l'amour, amitié, du baiser dans le cou. Avant que les huissiers, ces chacals, survolent comme des vautours notre maison, fermons à double tour. J'aimerais cette nuit pour attendre le jour qu'on ferme encore les yeux et qu'on fasse l'amour. Dans les maisons d'amour. L'amour qu'on voit aimer, l'amour qu'on voit, qu'on voit aimer le long des amourettes, a des reflets le jour d'amour. Monsieur, madame, mademoiselle, comment ça va? Depuis le début de l'émission, ça joue, à l'époque, on disait ça joue. Aujourd'hui, on dit plus ça joue. On dit depuis combien de temps tout ça est diffusé? Hein, diffusé. Mais nous autres, on disait ça joue. Ça joue-tu bien, cette affaire? Hey, ton record, il joue tellement bien. La phase 2, la phase B, parce que c'est pas la phase 2, la phase B. La troisième chanson de la phase B, ça saute un peu. Mais je le retiens, puis je mets un 10 cents dessus. Comme ça, ça creuse un peu l'aiguille. Quand elle a moins tendance à aller voir ailleurs. Tu sais, ça, c'est comme ma belle-sœur. J'ai une belle-sœur, une corailleuse. Ouais. T'es une corailleuse, une belle emmerdeuse. Pendant ce temps, c'est une chanson de Jean Lapointe, ça. T'as plus, c'est quoi, ça commence par quoi, là? Un, deux, trois. Ça vous dit rien, hein? En tout cas, c'est pas comme... Oh, oh, oh, mon nom, Sam. Entends ma prière. Wow, oh, oh, mon oncle Sam. Entends ma prière. Pom, pom, pom, pom, laisse pas tomber les nègres blancs d'Amérique, laisse-nous pas tomber. Arrête pas de nous fiancer. Non, financer. Parce que là, fiancer puis financer, c'est pas la même chose. Quoique, pour te faire financer, pour te fiancer, tu peux te faire financer. Faut que tu trouves un père, un bon père, ton père. J'espère que ton père, c'est un bon père pour dire, hey, papa, hein? Papa, j'ai trouvé une femme, là, une sacrée belle femme, mais maintenant, elle ne m'aime plus. En jouant aux dames, on perd ou on gagne, mais maintenant, je ne sais plus où elle est. Mais si je la retrouve, mon papa chéri, est-ce que je peux la marier? Le père dit, hey, écoute bien, mon petit gars, là, moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein? T'as trouvé une femme? Une sacrée belle femme, mais maintenant, je ne la trouve plus. Moi, je sais, je te connais. Ça fait si tu la retrouves, là, va n'importe où, à Tombouctou, mais c'est pas moi qui paye, là. Moi, je vais payer le mariage. Oh, papa, c'est ça que je voulais t'entendre dire. Le mariage. Oh, merci, papa, c'est ça que je voulais t'entendre dire, le mariage. OK, qu'est-ce que tu veux t'entendre encore? Ben, comment tu vas nous financer? Avec de l'argent, avec l'argent. Mon argent, j'ai travaillé pendant toute ma vie. Je suis allé à Beijing. Moi, j'ai construit à Canepsco. Tu connais pas ça, Canepsco, toi? Ça, pour les néophytes, là, moi, écoute, je suis tombé en bas d'un 10e étage. Et ça, c'est pas une blague. Je suis tombé en bas, je suis un ferroyeur, moi. Moi, je suis un ferroyeur, c'est pour les gens qui savent pas c'est quoi un ferroyeur, c'est quelqu'un qui charouait du fer, qui travaille le fer. Grand Théâtre de Québec, c'est moi qui a construit ça avec bien du monde, là, mais c'est moi qui a travaillé, qui a permis que cet endroit-là devienne ce qu'il est actuellement. Mais à l'époque, là, on faisait ça au bras, tu sais. C'est nous qui amenions le fer, puis c'était lourd, hein. C'était pas, mon dieu. C'était pas du, ouais, c'est ça, là. Non. Loin du balsa. Pour ceux qui savent pas c'est quoi du balsa, c'est un bois. Un bois très léger. On fait des avions en modèle réduit, des fusées en modèle réduit, des ailerons de fusée, là, c'est fait en balsa. Et puis, parce que moi, j'en fais de... Oh, mon Dieu, moi, le balsa, là, j'en ai fait... j'en fais encore, moi. J'en fais pousser. Ah! Dans mon sous-sol. La police, ça peut bien venir, là. C'est du balsa. Il analysera ça, là. C'est du balsa A1. C'est-à-dire, jamais sorti en hiver. Ben non, c'est dans mon sous-sol. Et puis, mais ça prend du temps. Faut être... Ah, oh, mon Dieu, la patience. Moi, c'est ma vie. Moi, je suis né sous la houlette de la patience. Ah, oh, ma femme, je l'endure, elle m'endure, on s'endure, on est patient. Ah, les enfants qu'on a eus, regarde-moi là, le grand gros flambeau, là, le grand flambeau qui veut que je paye son mariage parce qu'il n'y a pas une maudite scène. Lui, ce qu'il veut dans la vie, là, c'est pas de travailler, c'est d'avoir de l'argent. Mais j'ai dit, faut que tu commences à l'origine, faut que tu commences à la base, faut que tu commences à la genèse. Bon. Il dit, papa, toi, tu étudies, mais t'as tellement des beaux mots. Ouais, moi, c'est pas l'école. Moi, j'ai pas fait d'école. L'école, c'est, je l'ai, oui, j'ai appris un vocabulaire assez particulier avec la lecture. Moi, j'aimais lire. J'ai aimé lire, mais pas le journal, pas juste le journal. Au début, c'était ça, là. Je me fiais plutôt, parce que moi, j'ai arrêté en troisième année. Mes études, troisième année. Après, ben, j'ai gagné la vie de ma famille parce que mon père n'arrivait pas à rejoindre les deux bouts. Non, on parle là de ça, on est des années, ah, mon Dieu. Moi, je suis né en 29, 31 août 1929, à Québec. J'avais quatre frères, trois sœurs. On était sept. Et puis avec ma mère, mon père, puis j'ai décidé, moi, d'aller travailler pour ramener du beurre sur notre pain, puis surtout des patates, puis un peu de viande, des fois. Puis ça a donné ce que ça a donné, là. Et attendez. J'ai éternué. Ben oui, je suis prêt avec des allergies coniques, et c'est vrai. Mais j'ai pas éternué dans vos oreilles. Hein, c'est ça la différence. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai commencé à travailler très jeune. Quand j'ai su lire, je me suis dit, ma vie est déjà tracée. Je vais pouvoir m'enrichir avec ce que je connais, les mots. Ben, m'enrichir intellectuellement. Pas, à l'époque, là, si t'avais pas d'études au placé, là, au gradé, comme ils disent eux autres. Mais moi, je suis un gars populaire, tellement populaire. Des fois, là, je vois mon fils, là, lui, il est trop populaire. Ah oui, il y a des soirs où il a le goût de rien faire. Mais il fume du pot, puis il boit de la bière. Il fait de la musique avec son chum, là, le gros Pierre. Mais il pense à sa carrière, mais écoute bien, il est pas connu, lui. Mais bon, il se dit un chanteur populaire. Mais si t'es un chanteur populaire, pourquoi que personne te connaît? Populaire, faut qu'il y ait au moins 3-4 personnes, hein, pas 3-4, 3-4 millions de personnes puissent te dire « Ah, salut, comment ça va, toi? » Mais quand je sors avec toi, là, pour aller chercher ta copine, qui, elle, veut pas prendre d'autobus, elle a raison. On sait jamais, il y a des malades partout. Même chez nous, on sait pas, hein? On sait pas ce qui se cache à l'intérieur de notre foyer. C'est ça qui est dangereux. Combien de personnes sont surprises d'arriver... Ah! Voyons donc, toi! Ma voisine! C'est pas arrivé à ma voisine! Je m'y attendais tellement pas! Ben oui, c'est comme si t'es qui, tu sais, l'illumination, ou je sais pas quoi, avec de la couleur, là. Attention au pervers, ou attention au crime organisé. Là, on sait pas ce que la vie. Excusez-moi, on sait pas! On croit connaître les gens, mais ah, mon Dieu, moi, je suis blanc comme neige. Blanc comme neige, ben là, hey, je suis allé voir mon évêque hier. J'ai dit, évêque! Tu me connais? Moi, je te connais tellement que je pourrais te décrire et surtout te défaire. Ouais, mais tu me connais depuis? Ah, depuis ta naissance, moi, là. Moi, je suis né j'aime bien ça, moi, le folklore, là. En 1902, toi, t'es né quoi? Si ma mémoire ne fait pas défaut, t'es né en 1929. Hein, exactement. T'es né le 31 août 1929. Mon Seigneur, ben oui, moi, je me souviens des gens comme toi parce que quand je t'ai baptisé, parce qu'à l'époque, on baptisait, aujourd'hui, on demande plus. Bon, non, c'est pas automatique. On doit demander, c'est le contraire. Excusez-moi, là, je me mêle de rien. Mais je suis rendu quand même assez vieux, hein? J'ai 100 quelques années, moi, là. Ah, ben oui, mais c'est bizarre. Ben, tout est bizarre. Mais c'est une émission bizarre aussi, hein? Le temps n'a pas... La temporalité ne tient pas. Rien ne tient. Le fil conducteur ne conduit plus. Le permis de conduire est échu. On se fait poursuivre par la tendance menaçante qui est pas la confusion, loin de ça, on veut pas de confusion. On veut du cartésianisme, on veut que tout se tient, il faut que tout fonctionne, et quand ça déroge, ben ça fait dur. Allez, ça va, sur le chapeau dur, attends un peu, ça fait dur sur le chapeau dur, comme disait ma grand-mère. Hey! On se souvient de ça? Allez, ça va, on a dit qu'on faisait la fête. C'est ça, on oublie tout, on se fait tourner la tête. On s'arrange un peu, on se fait beau. Je me coiffe, je me fais digne, je suis un vrai gringo. On dirait un champignon sous un sombrero. Quand la vie n'est pas jojo, vaut mieux la danser. Même faire n'importe quoi, mais surtout danser. Moi, ça me plaît, c'est comme ça, faut pas me briser les noix. Quand j'ai ma petite idée, c'est pas de la purée de poids. Depuis que je suis sur la terre, pas très grand, déjà tout petit, je planquais déjà mes arrières du croissant. Car il faut se méfier dans ce beau métier-là. La vie ça va, la vie ça va, la vie ça va, oh oh. La vie ça va, oh oh. La vie ça va, la vie ça va, la vie ça va, oh oh. La vie ça va, oh oh. Ah, ce serait bien, ce serait beau de pas trop s'en faire. Juste se dire qu'on pourrait parler aux dieux. Leur dire mais venez donc mes pépères sur la terre. Voir le bordel, la misère, tous ces gamins qui ont l'air vieux. Voir la patience, le courage qu'il nous faut pour être heureux. Quand la vie n'est pas jojo, vaut mieux la danser. Arracher sa liberté et puis la danser. Moi ça me plaît, c'est comme ça, faut pas me briser les noix. Oubliez tous les cons qui vous font perdre la foi. Depuis que je traîne sur la terre, on me dit toujours pas ce que je fais là. Eh bien j'ai percé le mystère je crois. Alors je pense à vous et je dors avec toi. La vie ça va, la vie ça va, la vie ça va, oh oh. La vie ça va, oh oh. La vie ça va, la vie ça va, la vie ça va, oh oh. La vie ça va, oh oh. Allez ça va, on a dit qu'on faisait la fête. C'est ça, on oublie tout, on se fait tourner la tête. On s'arrache un peu, on se fait beau. Je me recoiffe et me poudre ma gueule de pierrot. Tout blanc sur le dehors et noir sous le museau. Quand la vie n'est pas jojo, vaut mieux la danser. Même si je danse comme un barjot, c'est pour m'éclater. Moi ça me plaît, c'est comme ça, faut pas me briser les noix. Quand j'ai ma petite idée, c'est pas de la pure espoir. Depuis que je suis sur la terre, on me dit toujours pas ce que je fais là. Et je vais pas percer le mystère ma foi. Alors je bois des coups et me nique le foin. La vie ça va, la vie ça va, la vie ça va, oh oh. La vie ça va, oh oh. Ah, moi, ça va. Ah oui, ah oui, ah oui, ça va de moins en moins. Puis je me rappelle, oui. Aujourd'hui, je reviens moi-même, excusez-moi, pendant combien de temps? Ah, pas plus que 30 secondes, toi, là, OK. On est tellement, moi, je travaille avec la clientèle. Ben oui. Et puis, j'en dis des bonjours. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, bonjour. Puis aujourd'hui... J'ai accueilli quelqu'un à la fin du quart de mon quart de travail, donc à la fermeture, parce que c'est moi qui bats tout ça, puis bon. Et je me sauve après sur mon scooter électrique. Sur mon scooter électrique, je m'en irai, je m'en irai, je m'en irai. Je me dis ça, tu sais, avant de partir, là. Je me motive moi-même. Et puis, j'ai dit, comme ça, spontanément, j'ai dit, « Bonjour, madame, ça va mal? » Parce qu'on est toujours en train de dire « ça va bien ». J'ai dit « ça va mal ». Et là, je me suis mis à rire parce que ça m'arrive souvent des illuminations comme ça, mais inverses. Tu sais, c'est comme le miroir qui s'inverse. Puis la dame qui est ukrainienne et qui habite, et ça, je vous mens pas, c'est vrai, qui habite le Québec depuis 4-5 ans, une bonne Québécoise que j'adore, avec sa fille, elle dit, elle me regarde, elle dit, ah oui, c'est parce que c'est, bon, en tout cas, à un moment donné, quand elle est arrivée, il y a 3-4 ans, elle a voulu avoir, en tout cas, je vous raconterai pas toute l'histoire, et on s'aime beaucoup, et c'est une bonne cliente, j'adore cette femme-là, et là, elle dit, ah oui, ça va mal, ça va mal, puis là, elle s'est mise à rire, j'ai dit, ah ben, c'est bien parce que, hein, la subtilité de la langue française, elle dit, c'est un peu grâce à vous, hein, c'est ça, c'est un événement que j'ai voulu... Quand je suis moi-même, hein, c'est pas drôle. Ah, t'es pas drôle, toi. Toi, ben, quoi, t'es drôle, mais pas dans le sens de rigolo, hein? Ah non, il va le dire encore. Hey, tu le lances tout le temps. Oui, mais pas dans le sens de rigolo, je sais ce que tu vas dire, tout le monde le sait. Tout ton cœur, pas dans le sens de rigolo, mais dans le sens de... bizarre. Voilà, j'arrive les potes, je vais mettre ma culotte, puis enfiler mes bottes et endosser ma grosse cotte. J'ai fini mon petit somme, je me passe du baume, je vais coiffer mon home, les amerlocs gomme. On arrive. Oh, tu vois les bitches ce soir. Et calme, laissez-moi donc tranquille, car ce n'est pas fini. Faut que je me déshabille, j'ai envie de faire pipi. Mais c'est un gros boulot, déboulonner le haut, dévisser tout le bas, pour sortir le oiseau. Ici, toi sale môme, enlève-moi mon home. Attention à tes mains, tu vas te mettre du baume. Comment ça c'est rouillé? Tu veux peut-être insinuer que je m'en sers pas souvent. Demande à ta maman. Oh, tu veux mettre le beaucoup de shit. Il fait beau, c'est l'été, mais il faut guerroyer. Moi j'aurais préféré jouer au pilpocket. C'est ce petit truc qu'on lance et qu'il faut rattraper et qu'on prend dans la panse, histoire de rigoler. Viva Noé. On arrive. Oh ben Noé, tu la sors ton épée. Viva Noé. Allez maman, je te laisse, je retourne au boulot. Dans mon carnet d'adresse, appelle ce numéro. Bon, d'ailleurs, je vais l'appeler moi-même pour toi. Oui, allô? Attendez un peu. Oui? Oui. Attendez. Hé, hey, madame, monsieur, oui. Oui, allô? Oui? Ouais, le sonnez à l'envers, s'il vous plaît, comme ça, oui. D'accord, merci. C'est bizarre, hein? La vie est bizarre. OK, on y va. Oui, allô? Oui, c'est moi. Oui. J'ai pas commandé de pizza, voilà. Non. Au tofu? Mais voyons donc, vous vous êtes trompé. Quelle heure est-il? 12h40. Ah mon, moi, je suis couché depuis 20h. Oui, vous êtes chanceuse que j'ai pris mon dentier parce que... Ah oui, moi je prends mon dentier immédiatement, on sait jamais, hein. Si c'est mon mari qui revient, ça fait 40 ans que je l'attends, il n'est jamais venu. Oui, je suis une vieille fille. Excusez-moi auprès de toutes les... Ah mon, oui. J'ai-tu le droit de vivre, moi là? Oui, j'ai pas une pizza gâte. Non, hein. J'ai rien commandé, moi là. OK. Je me rends. C'est pas les insolences de ces querelles avec Rénalga. Ah, moi, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, OK. Moi, non. Je sais que son émission joue à cette heure-là. Ça joue, hein. Ça joue pas à peu près. Mais moi, je vais vous raconter un peu ce qui se passe, moi. Je dois me coucher de bonne heure, hein. Je prends de la médication parce que ah, j'ai mal à l'arthrite. Ah, j'ai mal à l'ombre. J'ai mal à la. Oui. Ah, j'ai le foie fou. Oui. J'ai full sentimental. J'ai le foie full sentimental. Pas besoin d'idéal. Mais c'est pas ça l'histoire. C'est que... Ouais, là, vous me réveillez, vous, là. Ah, puis j'ai pas mis de colle à dentier. Ça tombe, voilà. Tout peut tomber, hein. La vie peut tomber de même du jour au lendemain. Pouf. Oui, qu'est-ce qui se passe? La vie est tombée. Hein? Comment on fait pour la relever? Ça, c'est comme les œufs, madame. Si vous, oh, monsieur, si vous êtes monsieur? Oui, je monsieur. Ah, aujourd'hui, les sectes, on ne sait plus, madame. Les sexes, c'est des sectes. Il y en a-tu des sectes et des sexes? Ben, il y a deux sexes, masculin et féminin. Oui, c'est vrai. Mais là, il y en a d'autres, là. Ben, puis, qu'est-ce que vous avez? Mais j'ai rien contre les autres. C'est pas ça que je dis, mais c'est maintenant. Ça dépend de la génération. Moi, je suis la vieille génération. La génération qui se génère plus. Ça génère plus, ce monde-là. Mais en tout cas, écoute-moi bien. Les œufs, on parlait des œufs. Hein, on parlait des œufs, on n'a pas parlé d'œufs, mais il y en a d'autres, oui, des œufs. Je sais qu'il y a de la poulette. Il y a de la poulette. On m'a déjà surnommé Popoule la poulette. Ça fait pas si longtemps. J'étais une danseuse automate, moi. Oui, j'étais une danseuse, mais quand on me tirait des tomates, je m'arrêtais. On dirait du Luc Plamondon. Ouais, la danseuse automate, qui cueille ses tomates au soleil? Ah, oh, mon Dieu, ça, c'est un... Là-dessus, il était pas très fort. Mais c'est pas grave. On l'aime, Luc. On l'aime, Luc. Ah, Luc. Ça coule, hein? Luc. Ah, mon Dieu. Vous êtes bien chez le sieur D'Artagnan, au 32-32 à Lombez. Je suis parti aux champignons, couillon. Laissez donc un message sur le grimoire et parlez après le signal sonore. Hey, mon dentier est parti dans la chasse d'eau. La chasse d'eau, elle n'est pas partie chasser. Elle est partie envahir le capitole. Ah, mon Dieu, pas aux États-Unis. C'est Philippe Trompé qui a fait ça, hein. Philippe Trompé, lui, il se trompe jamais. C'est pas jamais de sa faute, hein? C'est pas moi, c'est les autres, c'est les autres. Hein? C'est une machination, là. Moi, je devais être là, être numéro un, puis là, ils m'ont dit, oh, tu t'en vas. T'es un crotté, hein, tu disparais. Pas dans un été, juste le dimanche. Hey, je m'en vais juste le dimanche, on est lundi! Heureusement, il me reste encore 6 jours. Ah, mon Dieu! Là, je m'en vais dans les plus beaux... dans les plus beaux restaurants du monde entier. Mais c'est à Québec que ça se passe! Avez-vous déjà mis les pieds? Raymond, moi, j'ai mis les pieds dans les plats. Dans les plats du grand chef Millie La Bolosa. Millie La Bolosa, c'est son surnom. Parce que c'est un grand admirateur de Dalida et ouais, Gigi Lamoureuse l'a influencé jusqu'à la fin de ses jours. Parce que lui, il s'est comme cimenté. On parlait de tout à l'heure. Est-ce que vous avez suivi l'émission? Oui, on parlait de. On parle beaucoup de son mouvement, mon émission, hein? Parce qu'on sombre régulièrement dans le ridicule et quand le ridicule nous chevauche, on se laisse aller. Jim Morrison lui parlait du serpent. Chevauche le serpent. C'est-tu le serpent, lui, aux zombies? Non, c'est le serpent. Le seul, c'est le zombie, c'est quand il est mort. Quand il est mort, Jim Morrison, il était pas trop vivant, mais il restait encore des vibrations. Je sais pas si tu connais ça, toi, l'histoire des gens morts, mais pas vraiment morts. C'est comme, tu sais, plusieurs hommes dans un verre, puis qu'on appelle ça un zombies. Il y a 7 sortes d'hommes. Dans un vrai zombie, il y a 2 sortes de rhum. 7 sortes. 7 sortes, hein? Non, mais pour le zombie qui se respecte, ce soir, aujourd'hui, là, en ce beau. Moi, j'ai un torticolis réverbérateur. Moi. Ah, il y a donc. Réverbérateur. Comme en Angleterre, il y avait des allumeurs de réverbères. Aujourd'hui, on recherche Verberbeco actuellement. Si vous le trouvez, appelez-nous. On va vous donner le numéro de téléphone. C'est 418, code régional. Si vous êtes partout dans le monde, c'est +1 418. S'il vous plaît, appelez-nous. Vous comprenez pas? Ouais, c'est des chiffres déchiffrables uniquement si vous êtes membre de CKRL. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas notre problème. Alors, c'est le 10 octobre. 10 octobre. C'est un beau chiffre, le 10. Mais ça me rappelle une chanson de Didi. J'ai 10 ans, maman. Je ne suis plus une enfant. Je cherche le firmament. Je sais pas ce que tu peux me dire à soir, maman. Mais nous allons passer à un autre segment. Rue Fontaine, l'autre semaine, je vois un type élégant saluer de manière hautaine, messieurs les commerçants. Je m'étonne, je questionne, c'est votre député sûrement? Tu débarques de Carcassonne, me dit un passant. C'est monsieur Bébert, le roi des gangsters, 4 revolvers. Il a 2 Chrysler et puis un Spider qui est peint en vert. Ici c'est son bled, pour qu'on le dépossède, faudra se lever tôt. Et puis il exerce un fameux commerce qui rapporte gros. Il fait de l'opium avec du calcium et des boules de gomme. Il fait de la coco avec des copeaux et du cacao. Il fabrique un tas de stupéfiants qui ne stupéfient personne pourtant. Il les vend quand même très cher et c'est le roi des gangsters, Bébert. Des familles se mettent en vrille pour élever leurs enfants. Des bons emplois qui fourmillent, eh bien, il y en a pas tellement. V'là un zèbre qui est célèbre, qui se fait 10 millions par an. Il ne connaît pas l'algèbre, ni le grec, ni le persan. C'est monsieur Bébert, le roi des gangsters, 4 revolvers. Au café Vépler, quand il prend un verre, il fauche la cuillère. Comme il est le caïd, c'est le garçon livide qui lui demande pardon. Et parfois lui glisse même tout le service en 12 dans le veston. Il fait de la morphine avec de la vaseline et de l'ovomaltine. des bidons d'éther avec de l'eau de mer et des somnifères. Il a le meilleur des commerces en gros, et pas de patente, et pas d'impôts, ni de taxes sur le chiffre d'affaires, c'est le roi des gangsters, Bébert. Des pauvres types pleins de principes font tout pour qu'on parle d'eux. Découvertes scientifiques ou alors des raids audacieux. Lui pas bête en manchette défraye tous les journaux. Drame du milieu qu'on lui prête avec des articles et des photos. C'est Monsieur Bébert, le roi des gangsters qui a trois revolvers. Certains soirs d'hiver on a découvert un homme ventre ouvert. Alors on l'arrête, on fait une enquête, il ne sait rien de rien. L'erreur judiciaire serait une sale affaire. Il rentre chez les siens. Alors aussitôt, il refait de la coco avec de la chaux et des munitions avec des bouts de plomb et des boîtes de thon. Quand il aura ses coffres bien pleins, il rentrera dans son petit patelin et il sera conseiller au maire et l'ennemi des gangsters. Bébert, il sera conseiller au maire et l'ennemi des gangsters. Bébert. On dit que Bébert est bébête. Loin d'être bébête, le Bébert. Parce que Bébert a connu toute la hiérarchie de la mafioserie mondiale. Mais plutôt européenne. Plutôt européenne, parce que la mafiosie européenne, c'est pas comme la mafiosie états-unienne. Quand on parle de mafiosie européenne, le lieu qu'on voit dans notre tête, là, c'est pas du pepperoni fromage, là. C'est l'Italie, Palerme. Lino Ventura. Le film. Avez-vous vu ça? Attendez, Lino, Ventura. C'est l'aventure, en aventure, de temps en temps, de pas. Non, mais non, c'est le comédien, Lino Ventura. Ah, mon Dieu. Ça, c'est un ancien... Chez nous, on dit un lutteur. Mais là-bas, c'est un catcheur. Il catchait quoi? Il catchait l'anglais, le français? Non. Catcheur, c'est boxeur. Pas boxeur, mais c'est lutteur. Attends, tu m'aides. Ben, lutteur, boxeur. Catché, macho, machi, machu, tapis, tapou. Ah ouais, c'est en venant de... Non, c'est pas ça. Non, t'as peu, toi. Calme-toi. Les oiseaux chanteront, les avions passeront, et ta tête restera sur tes épaules. Enfin, je crois... Ah, mon Dieu, on sent le succès. Ça sent le... Ça... Mon Dieu, c'est de l'humour, hein? Pourquoi? Ça sent drôle! Oh mon Seigneur! On peut danser ce soir, là. On est prêt. Êtes-vous... Hein? Attendez. Dis-moi, Doudou. C'est la chanson de Doudou. Doudou. Doudou qui nous rend fou. Alors, on y va. Êtes-vous prêts? Enlevez vos chaises, votre table. Votre mari, tassez votre mari, madame, tassez, il est pas là, il est là de corps, mais il est pas là d'esprit. Éternuer, il va s'en aller, voyons, il va penser qu'il y a un vent de il est très mauvais. Il ne voudra pas attraper la grippe, ou encore pire, le rhume. J'ai jamais su la différence entre une grippe et un rhume. On me l'a expliqué pendant des années. À chaque fois que je demande, on me l'a dit. Je comprends, là. Après ça, je m'en souviens plus, parce que ça m'intéresse tellement. OK, on va danser. 1, 2, 3. Puis moi, attention, j'ai pris un cours récemment à l'école Bambi Bensing, ils font du breakdance. Et puis moi, je vais le faire à la version cha-cha-cha. Parce que j'aime bien les... On y va. Monte le son, notre batteur, ma tasse à nouveau là, OK? Dis-moi, Doudou, pourquoi t'as tout, toi? Tout. Pourquoi t'as tout pour toi? Tout. Et banane, t'as tous les bijoux. Et à nous, tu nous laisses les cailloux. Bah, c'est pas gentil. Et les choux, mon doudou, t'as tous les choux, et à nous, tu nous laisses tous les coups. Vraiment, t'es pas très doux, doux, doux. J'ai l'impression que tu te fous de nous. Ça va bien pour toi, nous on y est jusqu'au cou. Pourquoi doudou, pourquoi toi t'as toujours tout? C'est toi qui cause pas bon. Ah non. Pourquoi doudou, pourquoi toi t'as toujours tout? T'es qu'un bidon. Pourquoi doudou, pourquoi toi t'as toujours tout? Y'a pas écrit pigeon sur notre front. Tu disais ce sera bien, on se tiendra par la main. Qu'est-ce qu'il dit ce con? Rien. Qu'est-ce qu'il dit ce con? Alors. Dis-moi doudou, pourquoi t'es mou toi? Pourquoi tu vois rien toi? Et banane, le trou est pour toujours. Tu crois qu'on comprend rien, mais y'a rien dans tes discours. Et le coup, mon doudou, tu l'as ton coup. C'est qui nous voit bien passer sous les roues. Mais ça, c'est pas sympa. Vraiment, Edouard, t'es plutôt dur. J'ai l'impression que tu te fous de nous. Coucou, doudou, coucou. Vraiment, t'es plus dans le coup. Partout, doudou, partout. C'est dagadou partout. Si ça va bien pour toi, nous, on y est jusqu'au cou. Pourquoi doudou, pourquoi toi t'as toujours tout? C'est toi qui cause pas bon. Non, non, non. Pourquoi doudou, pourquoi toi t'as toujours tout? T'es qu'un gros bourge. Pourquoi doudou, pourquoi toi t'as toujours tout? Y'a pas écrit de pigeon sur notre front. Tu disais ce sera bien, on se tiendra par la main. Qu'est-ce qu'il dit ce con? Qu'est-ce qu'il dit ce con? Pierre, t'es pas un con. Qu'est-ce qu'il dit ce con? Pierre, t'es pas un con. Y'en a plus de qui? Ah. Con. Pierre Vassiliou, merci. Sans jamais plus sourire. Oh, c'est sérieux, l'uniforme sur le dos. C'est sérieux, il n'est plus qu'un numéro. Oh mon Dieu, lui faut-il ça pour être un homme? Oh, je le jure, écoutez-moi, je vous l'assure, il est à moi. Sans ses joies, il n'a pas voulu ça. Aujourd'hui, je vous propose l'auteur, compositrice et interprète extraordinaire, Abir. Je l'ai rencontré en 2022, en juillet, donc il me fait plaisir de vous proposer et de vous présenter cette dame des plus exceptionnelles, Madame Abir. Les perles sont moins rares dans ma boîte à bijoux. Elles sont très loin des vagues, plus près de mes cailloux. Elles parlent mes deux oreilles, elles sont de très bon goût. Les perles sont moins rares depuis qu'on a des sous. La maison est plus grande, j'ai du beau mobilier. Les domestiques rangent tout ce qu'on laisse traîner. T'as une super voiture comme dans tes rêves d'enfant. Et sur la Côte d'Azur, j'ai les cheveux au vent. Tu sais, j'étais très heureuse quand j'avais pas d'argent. Pendant les heures creuses, on jouait aux amants. Les perles sont moins rares dans ma boîte à bijoux. Nos amis viennent moins se réchauffer chez nous. J'ai tant de choses à faire, de quoi remplir ma vie. Et mes parents sont fiers de ce qu'on a construit. Si parfois j'aimerais pouvoir me lamenter, je sais qu'on ne râle pas dans les beaux contes de fées. Les perles sont moins rares dans ma boîte à bijoux. Les baisers sont plus rares tout autour de mon cou. Tu sais, j'étais très heureuse quand j'avais pas d'argent. Pendant les heures creuses, on jouait aux amants. Boîte à bijoux, les baisers sont plus rares tout autour de mon cou. Les perles sont moins rares dans ma boîte à bijoux. Nos amis viennent moins se réchauffer chez nous. Les perles sont moins rares dans ma boîte à bijoux. Les perles sont moins rares depuis qu'on a des sous. Les perles sont moins rares dans ma boîte à bijoux. Les baisers sont plus rares tout autour de mon cou. Les baisers sont plus rares tout autour de mon cou. Les baisers sont plus rares tout autour de mon cou. Plus rares tout autour de mon cou. Les baisers sont plus rares tout autour de mon cou. Les baisers sont plus rares tout autour de mon cou. Les baisers sont plus rares tout autour de mon cou. Les baisers sont plus rares tout autour de mon cou. Les baisers sont plus rares tout autour de mon cou. Les baisers sont plus rares tout autour de mon cou. Les baisers sont plus rares tout autour de mon cou. T'as amené un CD? Oh merci. Très intéressant. Ah oui, ah, mais c'est celui que j'ai vu sur ton Facebook, c'est oui, ça? C'est ah oui, excellent. Excellent. Comment on prononce son prénom? Parce que je ne veux pas le massacrer. Abir. Abir. Abir. Il n'y a pas de... Abir, avec okay. Un R. OK. Et tu es de quelle nationalité? Je suis franco-libanaise. OK. Donc, tu es arrivée à Paris rapidement ou c'est... Oui, je suis arrivée à Paris pendant la guerre. J'avais 5 mois. Oh! Donc... Ça fait longtemps. Ah, mais c'est bien que tes parents aient décidé de se sauver de... C'est ça, du Liban, tout à fait. Et t'as appris le français, c'est ta langue première? Non, c'est pas ma langue première, en fait. Ma langue maternelle, c'est l'arabe. Parce que mes parents me parlaient en arabe à la maison. Ah, ben oui, ils veulent rester, ouais, enracinés encore. Et même ma mère, quand elle est arrivée en France, elle parlait pas français. Ben non. Et parce qu'elle est palestinienne, alors elle parlait anglais et arabe, mais elle parlait pas français. Donc j'ai appris le français en entrant à l'école. Donc je suis arrivée à l'école, je parlais pas français. Et c'est toi qui as appris le français à tes parents, hein? Alors mon père, il parlait déjà français parce que, ah oui? Tu sais, il y avait une culture franco-libanaise. Oui, oui. Donc déjà au Liban, donc mon père, il avait été dans les écoles où il avait appris le français. Comme deuxième langue. Oui, voilà, exactement. Et ma mère, en revanche, comme elle était palestinienne, elle était dans des écoles où on apprenait plus l'anglais. Alors elle parlait pas français. Ma mère, elle a appris le français à l'Alliance française. Et puis après, en me faisant faire les devoirs quand j'étais petite. Est-ce que l'Alliance française veut créer le pont avec la francophonie? Donc, ils prennent beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs pour leur inculquer la langue française? Oui, alors ils sont un peu partout dans le monde. Tu as des écoles d'Alliance française. Mais ma mère, c'est quand elle est arrivée à Paris, elle allait à l'Alliance française pour renforcer effectivement son français, mais c'était il y a longtemps. Puis elle m'emmenait avec elle parce qu'elle ne savait pas où me laisser. C'est ça. Non, oui, mais en même temps, c'est toi qui lui parlais en français. Oui, c'est ça. Alors, tu es son professeur. Et en fait, elle a beaucoup appris en me faisant faire les exercices, tu sais, à l'école. Oui. Mais elle apprenait la grammaire avec moi, quoi. Ah, mais c'est bien de connaître la langue écrite aussi, parce que l'oralité, c'est beau, mais quand tu sais comment ça s'écrit, tu prononces mieux peut-être. Ben oui, et puis en plus, c'est pas la même chose d'apprendre qu'avec des étrangers que de recommencer de l'école, comme quand tu passes par la grammaire, l'orthographe, etc. Est-ce que c'est dur de venir à Paris quand ton pays est en guerre? Est-ce que tu en as souffert dans ton enfance? J'en ai souffert, oui, parce que souvent on me dit « oui, mais tu t'en souviens pas ». Mais en fait, déjà, on porte un peu l'histoire de ses parents. Le fardeau. Voilà, c'est ça. D'être étranger, déjà, parce que, dans la vie, on vous rappelle souvent que vous êtes étranger. Mais à l'époque, encore aujourd'hui. À l'époque, disons que ça s'exprimait par différentes façons. Par exemple, déjà, on habitait un tout petit appartement avec mes parents. Donc, on était dans 40 mètres carrés à 4. Excuse-moi. C'est moi qui paye, hein. Prête-moi, merci, c'est moi qui paye, merci. Oui, ça fait plaisir, merci, ok. Et puis, par exemple, on ne partait pas souvent, tu vois, en vacances, et puis on était une famille très restreinte, en fait, à Paris. Et donc, souvent, quand je disais à mes parents, pourquoi on ne part pas en vacances, ils me disaient, parce qu'on n'a pas beaucoup de sous, tout ça. Donc, quand on est première génération d'immigrés, c'était pas facile. Et puis souvent, on nous parlait de la famille, et puis on nous parlait du Liban, mais on ne les voyait pas, donc on ne réalisait pas forcément... qui se passait, ou par exemple on passait des Noëls où on regardait à la télé le Noël au Liban pendant la guerre, des choses comme ça. Et après la guerre, quand on est revenu, c'est là que ça m'a fait plus un choc de réaliser ce que ça voulait dire d'avoir une famille à l'étranger. Et puis, plus on avance dans la vie, en fait, plus on apprend, je pense, ce que c'est que d'être issu de la guerre. Ouais. Parce qu'il y a une espèce d'insécurité chez mes parents qui m'ont un peu transmis. Voilà. Mais la transmission, est-ce que c'est encore là aujourd'hui? C'est-il né? J'en parlais à ma psy qui me disait, elle m'en a beaucoup parlé, elle m'a dit, il y a des trucs du bébé, en fait, qu'on garde en soi. Oui. Et donc, c'est vrai que moi, mes premiers mois, ils étaient pendant la guerre au Liban. En plus, mon père a fui et ma mère est restée toute seule avec moi quelques temps. Au Liban? Oui. Parce qu'en fait, Beyrouth était divisé en deux. Donc, papa était d'un côté de Beyrouth, maman était de l'autre côté. Et puis, à un moment, il a fui pour Paris, parce que lui était déjà parti à Paris avant, il est revenu, il a fait un aller-retour, quand mes parents n'étaient pas encore mariés. Et il pensait pouvoir rester au Liban, et puis les choses se sont encore plus compliquées. Donc en 82, ils ont fui. Et là, ma mère et moi, on est restés toutes seules, et ma mère a essayé de fuir par voie terrestre, mais elle n'a pas pu. Il manquait un papier, un truc. Mais elle est audacieuse, elle n'est pas... avec la peur, peut-être, là, elle... Écoute, tu sais, ma mère a cette façon de te raconter les choses comme si c'était une promenade de santé, s'imaginer que ça ne l'était pas. Non. Je pense qu'elle a essayé de... Justement, en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de ne pas trop m'en parler pour un peu faire comme si ça n'existait pas. Et en parlant avec ma psy, elle me dit que c'est pas ça ce qu'il fallait faire, c'était en fait justement il fallait en parler pour que moi je sois bien consciente de ce qui se passait. Parce que peut-être que les nœuds ne se seraient pas produits. Exactement. Ouais. Si on avait plus libéré la parole, etc. Et donc après. Mais à l'époque, on ne parlait pas beaucoup non plus. Il y a des générations où. Les parents ne s'exprimaient pas, oui. Dans mon cas, c'est vrai, le père ne parlait pas, il travaillait, puis. Mais c'est sûr que quand tu es issu de la guerre, tu n'es pas du tout comme les autres. Oui, c'est sûr. Et je le réalise... je l'avais déjà réalisé, mais comme souvent, les gens te disent « Oui, mais tu t'en souviens pas parce que tu étais bébé. » c'est pas vrai. Non. Parce que après, en fait, tu as tes parents, ils te transmettent tout un tas de choses. Non, mais ça reste gravé. Même si, tu sais, il y a quelque chose, comme il y a des flashs. C'est ça, exactement. Mais as-tu cette crainte-là de reproduire ça chez tes enfants parce que tu as des enfants? Oui, alors j'essaie de ne pas le reproduire. J'ai l'impression qu'ils sont plus légers que moi, Mais bon, je ne pourrais pas le dire à leur âge maintenant. Mais ils ont d'autres problèmes. Tu vois, par exemple, ma fille, elle a 11 ans. Oh, OK. Et donc, elle a peur de plein de choses. La guerre en Ukraine, mais ça lui fait peur. Elle a peur du réchauffement climatique. Donc, non, mais pourquoi tu pensais avec un petit rictus? Non, mais parce que je veux dire, on a beau essayer de ne pas transmettre la peur à ses enfants, ils ont toujours peur de quelque chose. Mais peut-être que les médias s'en occupent, hein, la peur. Oui, c'est ça. Il faut faire peur aux gens pour qu'ils soient soumis. Oui, oui. Et donc, ma fille, elle est capable de pleurer parce qu'elle pense au réchauffement climatique et à la guerre en Ukraine. Je trouve ça touchant. Ouais. Ça va devenir une humaniste. Oui, oui, c'est ça. Ah, mais c'est complètement cinglé. C'est salut, bye-bye. Mais je trouve ça tout à fait touchant. C'est rien de... Oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on aimerait quelque part... En même temps, je suis contente qu'elle ne soit pas complètement futile, tu vois. Parce que des fois, on a des enfants, se demande, tu vois, s'ils se préoccupent de quoi que ce soit. Et mon fils, quand il y a eu la dernière explosion, sur le port de Beyrouth, il a 7 ans. OK. Mais il y a 2 ans, quand tu sais, il y a eu l'explosion du port, ça a été beaucoup relaté dans les médias, puis je crois qu'ils en ont parlé à l'école aussi. Il m'a dit « Oui, ça se passe mal dans ton pays, maman. » Mais c'était mon pays à moi, c'était pas le sien. Mais c'est touchant quand même, ça se passe mal dans ton pays. Donc, il est intéressé par... Mais ça leur donne pas envie d'y aller, tu vois. Non, c'est normal. Non. Ils ont pas du tout envie d'y aller. Tu sais que tu vas là-bas et tu vas aller te faire casser la gueule, as-tu le goût de te faire casser la gueule? Mais c'est quoi ça? Ah, OK, OK. Hein, ben, il n'y a personne qui a le goût de se faire casser la gueule ou de l'incertitude, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Comme je te dis, les médias s'engagent fortement à amener la crainte. Oui, complètement. C'est vrai. Et moi, mon père était journaliste, alors j'ai tendance à Il ne l'est plus? Bah, il est surtout à la retraite et puis là, il n'est pas en très bonne santé. Mais au Québec, en France, je me sens chez moi, en France, est-ce qu'il était encore journaliste? Oui, mais il a travaillé beaucoup pour des journaux arabes, où il était correspondant, c'est ça. Oh. Et puis, il a travaillé pour Radio-Orient à Paris, tu sais, Radio-Orient à Paris. Il a fait des émissions culturelles, notamment en arabe. Ah, c'est bon. Et puis... Il recevait des chanteurs, des comédiens, des... Alors, c'était surtout, des émissions culturelles où il travaillait sur une ville du Moyen-Orient. Et donc, chaque émission, elle était destinée à une ville du Moyen-Orient. Ça s'appelait Les Portes de l'Orient. OK, c'est beau. Oui, c'était une émission, lui, il l'animait en langue arabe. Mais je ne sais pas s'il y a eu une version française après traduite. Et c'est presque historique. C'est pas... Ben c'était par exemple, il te parlait d'une ville au Moyen-Orient, en Jordanie, au Liban, etc. Et il passait une émission pour expliquer l'histoire de la ville, etc. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc c'était assez sympa. Et à la fin, il a travaillé pour l'UNESCO. Oh. Il était attaché d'information pour la région arabe. Il a bien terminé sa route. Sa carrière, ouais. Et donc il s'occupait notamment, il a beaucoup défendu la représentation de la langue arabe à l'UNESCO. Alors, c'est un intellectuel. Voilà. Et est-ce que t'as... Pourquoi tu ris? Oui, non, parce que tu as raison. Ouais. Ben oui. J'ai la nostalgie de ces matins au bout de temps et de l'odeur du café qui nous suit sur le chemin. J'ai la nostalgie de ces matins au bout de temps. Des olives trempées dans l'huile que l'on mange avec du pain. Et quand le soleil se couche sur mes souvenirs meurtris, j'imagine que quelque part il y a quelqu'un qui m'oublie. J'imagine que quelque part il y a quelqu'un qui m'oublie. Loin des soirs doux comme le miel et des jours au bord de l'eau. Loin de ces femmes de courage et des hommes forts comme l'orage. Loin des soirs doux comme le miel et des jours au bord de l'eau. Je rêve de quelques heures dans la ville de mon berceau. Pour calmer ma mélancolie, je vois de nouveaux amis. J'imagine que quelque part il y a quelqu'un qui m'écrit. J'imagine que quelque part il y a quelqu'un qui m'écrit. juifs trempés dans l'huile que l'on mange avec du pain. Et quand le soleil se couche sur mes souvenirs meurtris, j'imagine que quelque part il y a quelqu'un qui m'oublie. J'imagine que quelque part il y a quelqu'un qui m'oublie. Et j'entends une chanson de Fayrouz dans ma tête, un hymne populaire sur un air de fête. Et j'entends une chanson de Fayrouz dans ma tête, un hymne populaire sur un air de fête. Pour qu'il reste une lueur dans mon cœur en pleurs, je regarde ces images d'un été sur la plage. J'ai la nostalgie de ces matins au goût de thym. J'ai la nostalgie de ces matins au goût de thym. J'ai la nostalgie de ces matins au goût de thym. De ces matins au goût de thym. Non, mais est-ce qu'il t'a inculqué ce côté arabe-là ou toi tu l'as mis de côté avec les années? Non, je ne l'ai pas mis de côté. Au contraire, ben déjà, j'ai parlé arabe, c'était ma première langue. Après, quand j'ai commencé à aller au Liban, tu sais, au Liban, c'est facile de ne pas parler arabe. Parce que tu as beaucoup de gens qui parlent français et tu as beaucoup de gens qui parlent anglais. Alors, si tu ne veux pas faire l'effort de parler arabe, c'est facile, entre guillemets. Est-ce que c'est plus francophone ou anglophone? Alors, avant, c'était plus francophone, mais maintenant, c'est devenu plus anglophone avec le temps. Tu vois, bah, avec l'internationalisation, Internet, tout ça, ouais, c'est dommage. Ouais. Les Français, alors moi dans ma famille on parle pas mal français, même quand je dis dans ma famille c'est même la génération d'après, la génération de mes enfants, j'ai des cousines, elles ont mis leurs enfants dans des écoles françaises. Bah oui. Voilà, mais après ça dépend des familles et puis de la culture d'origine, du milieu social, de plein de choses. Est-ce que cet album-là, on va parler de ton disque, est-ce que cet album-là embrasse un peu tes racines? Oui, un peu, oui. Je pense qu'il envoie deux messages forts. C'est des messages sur les blessures de l'exil et puis la nostalgie et puis aussi le combat des femmes. Je pense que c'est les deux grands messages. Ah, c'est intéressant. Je parlais de ça avec la comédienne qui était là avant. D'accord. Toi. Mais avant, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Écoute, ce qui m'a amené à la musique, quand j'étais petite, je rêvais d'être chanteuse. Voilà. Et je rêvais d'être chanteuse parce que j'étais inspirée par la chanteuse Fayrouz, qui est une chanteuse libanaise, okay, que tu connais peut-être ou pas. Bah, si tu la connais pas, il faut absolument que tu ailles l'écouter, parce que c'est une très grande diva connue dans tout le... Fayrouz. Comment tu l'appelles? Alors ça, c'est, en français ou en anglais, ça s'écrit de deux façons différentes, mais F-A-I-R-O-U-Z, on va dire. Mais des fois, on l'écrit avec un E. Elle est vivante encore? Oui, elle est vivante, mais elle chante plus, elle est très âgée. Okay. Et Fayrouz, elle a une voix absolument extraordinaire. Mais la meilleure période, c'est quoi, 60, 70? Oui, dans les années 70, ouais, c'est ça, 70 à peu près, ouais, 80. Je vais diffuser. Mais elle a chanté jusqu'à, c'est-à-dire que moi, j'étais au lycée, je me souviens, elle était venue à Paris, et ma mère était allée la voir avec une amie, je sais plus si c'était pas à la salle Pleyel. Voilà. Oh, ouais. C'était en dernier, là, dans Oui, c'était des derniers concerts. Enfin, tu vois, elle était déjà très âgée, mais elle m'a dit qu'elle avait encore une voix de cristal. Ben oui. Et donc, c'était beaucoup des chansons engagées. Donc, moi, j'ai été beaucoup bercée par les chansons engagées de Fayrouz, mais aussi des chanteurs libanais, Marcel Khalife, par exemple, qui ont beaucoup chanté pour le Liban, mais aussi pour la Palestine. Comment tu écris Khalife? Khalife, c'est K-H-A-L-I-F-E. OK. Et pareil, extraordinaire, compositeur. Et ben voilà, des chansons très... qui te touchent droit au cœur, quoi, vraiment. Ah, mais toi, t'écoutais ça en France, là? Oui, j'écoutais ça en France, chez moi, à la maison. OK, tes parents avaient amené des disques et... Oui, puis même, ils en achetaient ici. Enfin, je sais pas comment ils se débrouillaient, mais il y en avait. Et puis après, c'était aussi les grands chanteurs français, enfin, que ce soit Aznavour... tu vois, Piaf, voilà. Et donc, oui, j'ai toujours été beaucoup touchée par la chanson à texte. Et je rêvais d'être chanteuse, et puis j'ai commencé à vouloir essayer d'écrire des chansons, puis ça partait plus en poésie. Alors, ah, c'est bon. Mais j'étais vraiment jeune, quoi. Donc après, bon, bah, j'ai... Jeune, c'est quoi, tu es 11 ans? Je me souviens que j'ai commencé à rêver d'être chanteuse, je devais avoir 9 ans. Mais bon, je venais pas du tout d'une famille ni de chanteurs ni de musiciens, pas du tout. Journaliste, c'est bon. Oui, voilà, c'était plus ta mon mère, père. Elle était... Ma mère était mère au foyer, okay, mais bon, elle avait été bibliothécaire. Enfin voilà, c'était plutôt les intellectuels. Okay. Et oui, alors tu sais quoi, c'est parce que je voulais pas la jeter, je voulais la jeter dans un endroit où je pouvais la recycler. Il n'y a pas de problème, ça va aller là. Non, mais c'est vrai, je te jure. Non, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas jetée. À l'auberge de jeunesse, il y a un endroit où on peut. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je te disais? Oui, et ben, puis malheureusement, mes parents n'ont pas trop compris à l'époque ce rêve de. D'être chanteuse et puis donc j'ai écrit beaucoup de poésie et puis j'ai un peu mis ce rêve de côté, même si j'avais chanté beaucoup pour mes cousines, par exemple pour les endormir, des choses comme ça. Puis quand j'ai eu mes enfants aussi, je leur chantais beaucoup, et il y a un moment j'ai repris ce projet personnel de vouloir chanter. Alors il y a combien de temps? Il y a 6 ans. Okay. Et mais bon, comme je suis bonne élève, bah, je suis allée à l'école, tu vois. Je me suis inscrite à une école de chant. Okay. Et je me suis dit, bon, bah, avec de la technique, peut-être ça va aller, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est pas, non, c'est pas aussi facile, hein. Et en fait, bah, j'ai été très bien reçue. Ils m'ont beaucoup encouragée. Ils m'ont dit que j'avais une jolie voix, que je devais faire les concerts. Alors, j'étais très étonnée. Et puis là, depuis ce jour-là, je me suis plus découragée. Je me suis dit, on va plus me décourager. Tu vois, de chanter. Alors d'abord, j'ai fait de la reprise, comme tout le monde, avec la troupe de l'atelier du chant. Oui. Et puis bon, la première chanson que j'ai chantée sur scène, c'était « Histoire d'un amour » de Dalida. Ah, je la connais pas. Tu la connais pas? Non, « Histoire d'un amour ». ».« Histoire d'un amour » de Dalida, ouais. Ah, quelle année? Elle doit dater des années 60, hein, mais la chanson. Mais moi, je l'ai chantée il y a 6 ans, mais elle date de il y a longtemps. Oui, c'est une reprise d'une chanson espagnole, je crois, qui s'appelle Historia de Amor, ou un truc comme ça. Et en fait, à un moment donné, j'ai quitté la troupe et j'ai commencé à reprendre des cours de chant avec ma professeure actuelle, qui s'appelle Raymond de Viret, qui aujourd'hui a 98 ans. Oh. Alors quand je suis allée la voir, elle en avait 93, donc tu vois, c'était quelque chose. Et Encore la voix. Et bah en fait, elle chante pas. Elle te fouette. Ouais, elle te dit ce qu'il faut faire. Oh, okay. Elle te fait le piano et t'ajuste. Elle te dit que tu fais mal. Et puis voilà. Mais par contre, ça demande beaucoup de patience et d'efforts. Et elle te dit que c'est un long chemin. Okay. Alors moi, je me suis dit, bon, j'avais attendu déjà très longtemps. Je pouvais bien attendre 1, 2, 3 ans de plus pour gravir, pour monter un peu. Le chemin, puis surtout j'avais pas envie de chanter n'importe comment, enfin j'avais vraiment envie de faire les choses bien, et j'avais vraiment des bonnes inspirations des chanteuses à voix, donc pour moi c'était important de le faire correctement, et donc bon, j'ai eu la patience de revenir chez elle, tu vois, semaine après semaine. Parce que quand tu vas chez Raymond, tu te fais un peu fouetter toutes les semaines, quoi. Mais tu sais que quand tu vas là, ça sera pas facile. Oui, voilà, c'est okay. ça. Tu vas un peu te faire remettre en question. C'est ça, exactement. C'est l'humilité. Oui, c'est ça. Tu redescends. Tu sais, quand tu te prends une grande chanteuse, quand tu sors de là, on te ramène à ce que tu es. Oui, là, voilà, etc. Pas grand chose. C'est ça. Mais apprends encore, apprends, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, à un moment, elle m'a... Est-ce que tu veux quelque chose? Oui, avec joie. Après, je vais aller par terre. Merci, madame. Monsieur. Bonjour. Bah, on est au Sancerre. Je vais prendre un verre de Sancerre, non? Mais voilà. Alors, le professeur. Et alors, ce qu'elle m'a dit, bon, quand même, ça fait X mois que tu viens chaque semaine et que tu fais que des vocalises, parce qu'au début, elle t'interdit de chanter, même. C'est que les vocalises. Elle me dit, il n'y a que les vrais chanteurs qui font ça. Je dis, bon, quand même. De chanter? Tu sais, qui viennent et qui font que de la technique. Okay. Parce que c'est pas marrant, la technique. Okay. Donc, si tu t'accroches pour faire de la technique, c'est que tu es vraiment au fond de toi, tu es un chanteur. Ah, oui, oui. C'est pas juste que, tu vois, c'est pour. C'est pas que pour amuser la foule, non. Quoi. Non. C'est que ça te prend au tri. Il te faut la barre. Voilà, c'est ça. Et à un moment, elle m'a dit, bon, écoute, Abir, si tu... tant que tu chanteras que les chansons des autres, tu seras une copie. Oh. Je dis, bon, OK. Mais elle est très forte pour les phrases qui tuent. Ah oui, elle te... Ouais. Et donc, je dis, bon, moi, j'écrivais de la poésie, mais c'était pas encore en format chanson, puis je n'étais pas compositeur. elle m'a dit, mais tu sais, une chanson, c'est une idée et tu tires dessus. Et elle connaissait Claude Lemel, qui animait les ateliers d'écriture à la SACEM. On m'en parle souvent. Voilà. Et, Et donc, bah, j'ai repris un peu, enfin, j'ai lu le livre de Claude et puis j'ai repris l'écriture, mais en suivant plus la méthode chanson que ça tourne en poésie. Et puis, je les ai amenés à Raymonde. Et Raymonde les a donnés à Claude. Et puis, un jour, Claude m'a appelé. Il m'a dit, bon, ils sont bien vos textes, mais... Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rejoindre les ateliers? Je dis, bah oui, j'aimerais bien. Donc, mais là, il y a 4 ans, 4-5 ans. Là. Oui, c'est ça, okay. En 2018. Ah, ben oui, ok. Et donc, il me dit, bon, bah, viens prendre un café à la maison, parce que bon, j'aime bien rencontrer les gens qui vont rejoindre l'atelier. Et puis, c'est comme ça que je me suis inscrite au stage de septembre 2018 avec Claude. Voilà. Et puis, Raymond m'a dit, peut-être un jour, tu vas rencontrer un compositeur. Alors, je vais au stage et ben là, je rencontre Sepka qui, effectivement, on a complètement fité artistiquement parce qu'à un moment, on s'est retrouvés à travailler une chanson ensemble. Et là, c'était la rencontre artistique, tu vois, le flash. Le c'est ça, exactement. Le ligne, exactement. Tu rêvais d'un fils avec une âme de guerrier. Tu l'aurais appelé Idriss, il aurait pu te ressembler. Il aurait été champion de foot, d'escrime, de judo. Il aurait porté des caleçons, il serait monté sur ton dos. Il t'est né une fille sous le signe du lion. Parfois elle se maquille, non ce n'est pas un garçon. Moi je suis une femme avec un bouclier. Moi je suis une femme, pieds et poings déliés. J'ai pas croqué la pomme elle est tombée. Pas très loin de l'arbre, le jour où je suis née. On dit qu'un papa, c'est le tout premier amour. Celui qui donne la foi de savoir aimer toujours. Et toi mon papa, tu m'as appris à lutter. Ne pas mourir au combat, tu ne peux pas me renier. Moi je suis une femme avec un bouclier. Moi je suis une femme, pieds et poings déliés. J'ai pas croqué la pomme elle est tombée. Pas très loin de l'arbre, le jour où je suis née. Porter ton nom, il sera fier de sa maman, mi-soldat, mi-papillon. Quand tu partiras, ce ne sera pas bien loin. Dans ma vie, tu resteras un flambeau sur mon chemin. Moi, je suis une femme avec un bouclier. Moi, je suis une femme, pieds et poings déliés. J'ai pas croqué la pomme, elle est tombée. Pas très loin de l'arbre, le jour où je suis née. Moi je suis une femme avec un bouclier. Moi je suis une femme, pieds et poings déliés. J'ai pas croqué la pomme elle est tombée. Pas très loin de l'arbre, le jour où je suis née. Le jour où je suis née. Et puis de ça, merci beaucoup, c'est suivi un enchaînement d'écriture et de composition de chansons. Et bah oui, voilà, la prophétie s'était un peu réalisée. C'est-à-dire que bah, mes textes que j'écrivais depuis longtemps, j'ai trouvé le compositeur. Ah, c'est fou, voilà. Parce que ça se fait tout seul, presque tout seul. Oui, c'est ça. Je n'ai pas cherché à le compositeur. C'est la rencontre. Et t'as lancé ça comme ça, tu vas peut-être trouver, tu vas peut-être, c'est peut-être là, ça sont... Voilà, ça a marché, ouais. Ça s'est concrétisé. Ça s'est concrétisé, exactement. Et puis avec une espèce de coup de foudre... Voilà, bon, à tous les points de vue, parce que maintenant, en plus, on est en couple, donc voilà. Ah, ben là, okay. Voilà. Ah, ok. C'était une bonne rencontre. Ah oui, ok. C'était une soirée... Oui. Ça a très bien communiqué, hein. Voilà, mais surtout artistiquement, même lui m'a dit, j'ai écrit, j'ai composé avec plein de gens. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Écoute, qu'est-ce qui m'a plu chez lui? À part le fait que je l'ai trouvé beau, tu veux dire? Ouais. Ah ouais, bah ouais. Parce que le physique, à un moment donné, ça s'essouffle. Non, écoute, au début, avant qu'on commence à travailler ensemble, je me suis dit, c'est juste un autre chanteur avec sa guitare, comme il y en a plein, tu vois. Comme Moustaki. Oui, oui, mais... Enfin, on n'en voit pas, non, on n'en voit pas, encore, on voit pas, non, non. Je veux dire, tu sais, dans Paris, ouais. Surtout si tu vas à Montmartre, ouais. T'as plein de gars avec leur guitare. Ouais. Ça n'en fait pas des poètes. Non, tu mais vois, ça attire les filles, c'est pour ça qu'ils se promènent avec une guitare. Voilà, c'est ça. Tout le monde le sait. Mais c'est que quand on a commencé à écrire, je t'ai dit que mon père était journaliste, mais mon père a aussi écrit 3 recueils de poésie. Ben voyons. Et moi, je suis à peu près née dans la poésie. Parce en que arabe En arabe, oui. Et mes parents, la première sortie qu'ils ont faite tous les deux, mon père a amené ma mère à une lecture de poésie d'un auteur libanais qui s'appelle Unsil Haj, qui est mort, mais que j'ai connu aussi parce que mon père m'emmenait. Oui, mon père m'a emmené le rencontrer quand il était à Paris, puis on l'a rencontré quand on est retourné au Liban. Donc quand je te dis, je suis un peu née dans la poésie, je suis née dans un univers très poétique. Et donc, je pense que j'ai toujours été très sensible à la poésie, mais pour moi, ce monde actuel était un peu dénué de poésie, tu vois. Et là, le soir d'avant, j'avais travaillé avec d'autres gens de l'atelier d'écriture, il n'y avait pas le fit, tu vois. Et là, avec Seb, on avait cette chanson à écrire ensemble, et on se répondait tout de suite, et il a eu des tournures de phrases, comme ça, je me suis dit, c'est un vrai poète. Et je veux dire, j'avais l'impression d'avoir rencontré, tu vois, un vrai poète, puis il avait une belle voix. Et c'est ça qui a fait que j'avais envie de travailler avec lui, c'est que je trouvais que c'était un vrai humaniste. Je pense plus qu'il ne le sait lui-même. Okay. Parce que lui, dans ses textes, il a un côté un peu joueur, séducteur, des choses comme ça. Mais en réalité, je pense que c'est un humaniste qui aime s'ignore, bien... Qui s'ignore ou qui met un peu ça de côté de temps en temps. Okay. Mais voilà, je pense que c'est ça. Et moi, je tire beaucoup plus sur le côté humaniste dans mes textes, dans ce que j'assume sur scène. Puis lui, il a un côté plus Gainsbourg, plus joueur. Ah oui, ok. Plus comme ouais, primeur. Voilà, c'est ça. Un dentiste. C'est ça. Il a un côté plus comme ça. Alors que moi, hier, bon, j'avais un concert, on m'a dit c'est engagé. T'as fait un concert hier? Oui, j'étais à Crécy-Couvé, au 16 Café de la Blaise. Oui. Et puis? Et bien, c'était très sympa. C'était mon premier concert après la sortie de l'EP. Qui est sorti il y a combien de temps? Qui est sorti le 22 juin. Ok. Et il est tout chaud. Il est tout chaud. Okay. Tout chaud. Et donc, effectivement, c'est un lieu où ils ont vu le concert de Seb il y a 2 ans. Ou 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Avant la COVID. Oui, c'est ça. Non, c'était sorti du premier COVID, je crois. 2020, okay. Tu vois. Première vague. Octobre 2020. C'est 2020. Oui, COVID, c'est 2020. Ça devait être ça. Soit juste avant, soit. Oui, je crois que ça devait être ça. En tout cas, c'est. Mais ils avaient vu Seb, donc ils avaient vu son répertoire. Et là, ils ont vu tout mon répertoire. Et même s'ils m'accompagnent sur scène à la guitare, ils voient, donc ils l'ont mis, lui, c'est le séducteur, le joueur, son message sur le genre, etc. Et puis moi, c'est les chansons engagées. Ben oui, la oui. Femme, ben oui. L'exil, les immigrés, voilà. Et oui, c'est vrai, je pense qu'on parle de ce qu'on raconte. Là, j'ai une chanson qui n'est pas sur l'EP, qu'on a faite récemment, qui s'appelle Avancer, c'est sur les migrants. Okay. Et moi, je l'ai écrite, tu sais, comme ça, dans un café. J'avais commencé le début, puis j'ai continué. Je ne sais pas ce que ça valait. Pour moi, c'était assez banal ce que j'écrivais. Enfin, c'était banal par rapport à moi. Oh, ouais. Et puis après, Seb, il m'a dit, moi, j'aurais jamais pu écrire quelque chose comme ça sur les migrants. Parce qu'il m'a dit, cette chanson, elle n'est pas victimisante pour les gens. Ah ouais. Et c'est un peu une chanson de combattant. Bah, c'est pour ça que c'est la femme oubliée. C'était parrain ou si c'était parrain. C'est ça. C'est le combat. Et donc, oui, je pense que... Enfin, si tu écoutes La femme au bouclier, tu iras écouter. C'est une chanson où je parle de mon père et en même temps je dis que je suis une femme au bouclier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? Je pense que la femme au bouclier, c'est la femme forte, mais pas forcément violente. Oui, mais okay. Tu vois, qui sait relever les défis, qui relève les combats, qu'on ne doit pas prendre pour une chose fragile, tu vois. Ah, mais en fait, tu vas à l'encontre de ce qu'on présente dans ton pays. La femme est soumise, la femme est... Et toi, tu veux plus, tu veux te dresser devant... Oui, je pense que j'ai vu beaucoup de choses. En fait, c'est très, très paradoxal, parce que mon père, d'un côté, était un homme fort, oriental, etc. Oh, mais c'est un homme. C'est un homme. Et oui, mais d'un autre côté, il m'a, étant jeune, j'avais eu l'impression d'être élevée un peu à la dure, okay. Mais parce que lui, son tempérament était un peu comme ça, autoritaire. Et, mais moi, j'avais l'impression d'un peu avoir hérité de ce tempérament très oui. fort de mon père, alors que je suis une femme. Oui. Et du coup, ça clashait complètement, tu vois. Il t'a élevée comme un homme. J'avais l'impression qu'il m'a élevée comme un homme. Ouais. Mais grande, je trouvais qu'il me traitait comme une chose fragile, tu vois. Faut okay. pas sortir, oh, avec qui tu vas. Une fois que t'es devenue une femme. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ben oui, mais là, il voit que sa fille est devenue femme. Donc, attention, moi je connais, là, donc attention. Exactement. Et ben le message, c'est de lui dire, en fait, bah, tu sais, tu ne m'as pas élevée comme une chose fragile. Ah oui, oui. Et donc, je suis devenue forte finalement comme toi. Donc, ne t'inquiète pas, je suis une femme au bouclier. Je ne suis pas un homme. Ah mais, oui, c'est beau. Mais j'ai de la force. Ah, ouais, ouais. Je suis un peu un papillon, ah, mais ouais, ouais. Je suis aussi un soldat. Donc, ah, c'est... Ouais. Donc, voilà, c'est ça que je raconte dans la chanson. Ah, c'est bon, mais qu'est-ce qui te fait écrire? Est-ce que c'est un. Est-ce que c'est comme. Des vapeurs, est-ce que c'est l'intensité qu'à un moment donné ça doit sortir? C'est quelque chose que tu as en toi, un volcan qui... Bah, quand j'ai commencé à écrire, c'était comme ça. C'est-à-dire que... Il y a 4 ans, 4-5 ans? Non, quand j'ai commencé à écrire... La poésie? Oui, la poésie, okay, à 11, déjà. 12 ans. Oui, oui, ouais. Quand j'étais jeune, j'ai ouais. tout un recueil, d'ailleurs j'ai fait lire à Seb, et, que j'ai passé à ma fille aussi à un moment. Mm. Parce qu'elle a commencé à avoir ses premiers, tu sais, reflux émotionnels des adolescents. Ben oui. Alors je lui ai dit, tu sais, moi, quand j'ai commencé à être comme ça, j'ai écrit. Voilà, j'ai trouvé la solution, c'était d'écrire. Je lui ai montré mon recueil, oh, ouais. où je faisais aussi des dessins, oh, ouais. et que j'ai gardé à manuscrit. Et bon... Elle a parcouru. Elle l'a parcouru un petit peu, alors elle s'y est pas restée trop longtemps, mais c'était un peu pour lui dire, tu sais, il y a une solution à cette espèce de souffrance émotionnelle, ouais. c'est d'écrire. Donc au début, c'est vrai que c'était beaucoup comme ça. Notamment en suivant les ateliers d'écriture de Claude, j'ai essayé d'en faire plus une gymnastique, un peu de travail, c'est-à-dire de ne pas écrire que parce que je suis pas bien ou parce qu'il y a absolument un truc qui me fait sortir, mais de dire... Il faut que j'écrive de manière régulière. C'est pour ça que j'aime bien aussi aller aux ateliers, parce que ça me force à ne pas écrire que quand ça va pas, que quand c'est j'ai un exigeant. Truc. Voilà, c'est ça. Parce que tu peux vite être pris par le flux de la vie ouais. et tu écris pas. Non. Alors que si, ben, je ça sais que... Ça devient une paresse aussi. Oui, voilà, exactement. Tu t'assois pas pour écrire si t'es pas obligé. Donc quelque part, pour moi, les ateliers, c'est une façon de m'obliger à écrire. Alors il y en a plein qui arrêtent au fur et à mesure du temps. Et moi, j'aime bien y aller parce que je retrouve toujours cet effet d'émulsion, tu vois, d'émulsion qu'on a ensemble, en collectif. Et puis ce rendez-vous, je suis obligée d'avoir pondu un texte pour la fois d'après, de le présenter et... Voilà, puis il y en a que je garde, que je chante, puis il y en a que je chante pas. Mais ce qui est bien aussi, c'est que t'es jamais interrompu. Donc t'es dans une atmosphère créative et créatrice. Donc tu peux pas les enfants ne viendront pas de dire maman. Oui, voilà. Alors t'es dans un environnement créatif. Oui aussi, et puis surtout tu es confronté à l'autre. Parce que quand tu écris en collectif, parce qu'il y a une partie où aux ateliers tu écris en collectif, et ben tu vois que toi, ce que tu aurais écrit spontanément sur un thème, et ben l'autre il aurait écrit complètement quelque chose de différent. Toi tu pourrais faire un texte dramatique, lui fait un texte drôle. Mais c'est pas ton genre le texte drôle. Non, c'est vrai. Mais des fois je fais des textes drôles, mais souvent je les chante pas. Ok. Mais j'ai fait quelques trucs mais drôles. Est-ce que tu penses sur scène les réciter entre deux chansons? Pour alléger un peu. J'ai une chanson que j'ai faite, que Seb a composée, ça s'appelle L'art de l'esquive. C'est très drôle. Moi, je trouve ça drôle. En fait, c'est sur une femme qui parle de son homme qui a l'art de l'esquive. Ok, ouais, ouais, de se sauver, c'est oui, ça? Oui, de se sauver, c'est ça. Ou de ne pas confronter une discussion. Est-ce que tu le fais, toi? Et, non, moi, je ne suis pas du tout dans l'esquive. Moi, je suis comme ça. C'est pour ça que ton copain t'adore, que ton mari t'adore? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que si on préfère les gens pas soumis. Directs, soumis. Ah ben, ça va pas avec moi, c'est sûr. Mais J'étais à l'affût d'une identité perdue. Seule avec mon âme, tout me tombait dessus. J'étais déchirée entre hier et demain. J'étais déchirée entre hier et demain. Mais j'ai compris quand tu m'as aura ce goût de mélisse, un parfum de bohème, des airs de poème, le rythme de nos je t'aime, le rythme de nos je t'aime, le rythme de nos je t'aime. Je sens dans ton cœur une identité jumelle, une sorte de vertige, tant la vie devient belle. C'est pas toujours facile de choisir son chemin, c'est pas toujours facile de choisir son chemin. Mais j'ai compris quand tu m'as pris la main, mon avenir sera métisse, il aura ce goût de mélisse, un parfum de bohème, des airs de poème, le rythme de nos je t'aime, le rythme de nos je t'aime, le rythme de nos je t'aime, le rythme de nos je t'aime. Moi j'ai la foi en nos frissons, et si tu crois que j'ai raison, nous vivrons de poèmes, nous vivrons nos poèmes au rythme de nos je t'aime, au rythme de nos je t'aime, au rythme de nos je t'aime, au rythme de nos je t'aime, au rythme de nos je t'aime, au rythme de nos je t'aime, au rythme de nos je t'aime, au rythme de nos je t'aime. Non, mais c'est ça qui est bien chez toi. Tu es limpide, donc tu peux pas mentir. C'est ça. Et c'est ce qui doit déranger les autres. Parce qu'on joue toujours des rôles. Plusieurs jouent des... essayent de se travestir, mais toi, tu ne travestis pas. Tu es intègre. Oui. Oui. Et si je peux pas l'être, souvent... Depuis que je fais des rencontres comme ça, j'ai juste connu deux filles comme c'est vrai? Toi. Puis une autre chanteuse, il y a 3 ans, elle dit « Je peux pas mentir. » Elle ne ment jamais. Elle est incapable de mentir. Et j'ai creusé la face, mais je trouve ça tout à fait noble. Tout à fait noble d'être vrai. Pourquoi jouer de... Parce que quand tu mens, tu peux te tromper dans tes mensonges. Oui. Et c'est là que la supercherie commence à naître. Oui, puis je trouve qu'on perd du temps aussi. Ah oui. Puis à l'intérieur de soi, on n'est pas bien. Oui, après, je pense qu'il y a des gens, sans mentir, ils se sortent d'une situation, ouais. Tu vois. Mais moi, c'est pas mon genre, je sais pas. Je ne sais pas faire ça. Et quand des fois, je me raisonne qu'il faudrait que je le fasse, eh ben, je le vis pas bien. Donc, Est-ce que tu crois que ça vient de ta famille ou si c'est en consultant ou en travaillant sur toi? Ben, je pense que mon père est très comme ça. Mon père est complètement brut. Ok. Mais lui, il peut être carrément violent même, tu vois, dans son verbal, quoi, je veux dire. Mais pas physique. Non, pas physique. Okay. Mais il pouvait crier, il pouvait... Ok, mais pas être violent dans les mots, être violent dans la façon de... Bah, disons que c'est quelqu'un avec qui tu pouvais t'engueuler vraiment, quoi, tu vois. Tu pouvais partir d'une soirée fâchée, tu vois. Moi, on se fâche pas souvent avec moi. Ok, pourquoi? Parce que t'aimes pas la confrontation? Non, mais parce que, par exemple, mon père, il pouvait se fâcher pour une discussion politique, alors que moi, au fond, la politique, je lâche l'affaire assez vite. Mais qu'est-ce qui... Oui, vas-y. Avant que ça devienne trop animé. Tu vois? Trop volcanique. Voilà. Mais qu'est-ce qui te rend volcanique? Rien. La vie, c'est un grain de sel, il faut savoir... Non, qu'est-ce qui me rend volcanique? Ça dépend... Je pense que si je suis fatiguée, que j'ai bu un petit peu, ça peut me rendre volcanique une discussion où je... L'injustice. En fait, c'est l'injustice qui me rend volcanique. Quand je trouve qu'on est injuste avec moi ou qu'on est injuste avec vis-à-vis d'une situation, ouais. Eh ben ça me rend un peu volcanique. Et t'as-tu une sorte de regret après? Vu que tu n'étais pas toi-même, que le vin avait fait... Oui, ça peut m'arriver, mais par contre, je suis quelqu'un qui sait s'excuser. OK. Il y a des gens qui ne savent pas s'excuser. Non, mais en même temps, quand tu dis quelque chose, que tu sois ivre ou pas, c'est que l'ivresse enlève des couches. Les inhibitions. Oui, exactement. Donc, pourquoi regretter d'être... Bah parce que, des f... en fait, enfin, c'est comme je te dis, comme je suis un animal étrange, si en plus j'ai un peu bu, j'ai tendance à hausser la voix, à être très... Tu deviens étrange et sauvage. Voilà, c'est ça. Je deviens pas, entre guillemets, socialement acceptable. Alors, non. Donc, je parle fort, c'est un peu animé, quoi. Tu vois, okay. Donc, et donc, tu deviens française. Peut-être pour un Canadien, oui, je suis française, un Québécois. Ouais. Mais disons que je réalise que même si, au fond, moi-même, je comprends pourquoi j'ai dit les choses que j'ai dites et je les dis de la façon dont je les ai dites, parce que j'étais un peu fatiguée, que la discussion était animée, que j'ai bu un verre. Donc, je me pardonne à moi-même. Mais en même temps, je comprends que pour les autres, c'est bizarre. Ouais. Alors, disons que parfois, il vaut mieux garder un ami qu'absolument avoir raison. Oui, je comprends. Tu vois ? Donc, des fois, je préfère garder un ami. Ben oui. Alors, je préfère m'excuser. Mais c'est... L'autre comprend aussi, là. Oui. Après, en fait, c'est de la politesse. Tu t'excuses parce que socialement, tu n'étais pas au bon endroit. Ou tu as débordé légèrement. Voilà, c'est ça. Mais je vais me... me mettre dans un petit moule. Je vais m'aiguiller. Donc, voilà. je vais suivre mon chemin. Et les chansons que tu as faites, as-tu réalisé la musique ou si tu as écrit des textes et tu as laissé ton copain écrire la musique? Non, c'est Seb qui a fait la musique d'origine. OK. Et après, d'origine? Oui, parce que sur l'EP, Shadi Schumann, qui est mon arrangeur, a aussi un peu retravaillé. Par exemple, il a fait des ponts mélodiques qui n'existaient pas dans la version de Seb. Donc, on peut dire que j'ai deux compositeurs, donc c'est Seb K et Shadi Schumann. Okay. Shadi qui est aussi franco-libanais. Oui. Ah oui, ben là, c'est les racines. Oui, ben alors c'est étonnant parce que tu sais, à un moment, quand j'ai rejoint les ateliers de Claude... Ce sacré Claude, hein? Ce sacré Claude. Non, mais j'ai rencontré plein de gens, soit aux ateliers, soit en dehors des ateliers, mais un peu par la connexion des ateliers. Ou quand je disais que j'étais libanaise, est-ce que tu connais Shadi Schumann? Je dis, ben non, mais parce qu'en fait, lui aussi était libanais, il faisait de la musique. Et c'est comme si, tu sais, c'est comme toi, tu es québécois, si tu es à Paris, mais est-ce que tu connais un tel parce qu'il est québécois? Mais non, je ne le connais pas. Est-ce que tu connais Félix Leclerc? C'est ça. Et donc, je ne connaissais pas Shadi, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Shadi Schumann, dont Seb K, qui le connaissait, Marilyn Masson, qui est sa violoniste, qui le connaissait aussi, et Kat Loris. Ah oui, que je connais, que voilà. J'ai rencontré. Ah, elle te l'a dit? Non, en fait, mais j'ai vu que tu l'avais interviewée. Oui, puis elle m'a parlé de cet atelier-là. Non, de l'atelier, oui. De Claude, de ce sacré Claude. De ce sacré Claude, oui. Mais est-ce que Claude, avant de vous apprendre ou de vous... Oui, on apprend à écrire. Alors lui, tu sais, ce que j'aime bien dans l'approche de Claude, ça peut te plaire ou ne pas te plaire, c'est qu'il laisse la liberté à l'artiste. Ah, c'est bien. C'est-à-dire qu'il ne te dit pas « ça, c'est une bonne idée, ça, c'est une mauvaise idée ». Il essaye surtout de te corriger la technique, c'est-à-dire poser les mots sur la musique. Donc, il y a quelques techniques. Par exemple, les « e », tu sais, quand tu mets un « e » en français qui n'existe pas, il trouve ça pas bien, etc. Il dit que c'est pour ça qu'on dit que ça « swing » en anglais, que ça « swing » pas en français. Alors, pour enlever les « e », par exemple, non, mais tu sais, si tu dois mettre... En fait, il te dit de ne pas mettre un E muet sur une note forte. OK. Ce qu'il appelle les E à l'envers. Okay. Je ne sais plus comment il s'appelle. Là, j'ai un peu... En gros, voilà. Donc, c'est un positionnement de... Voilà. Les féminines et les masculines. Voilà. Et puis, il te raconte un peu des histoires. Il te fait travailler sur des thèmes. Il y a des choses qu'il peut te dire, mais il te laisse quand même beaucoup de liberté. Ouais, c'est bien. Il te laisse t'épanouir avec ta personnalité. Voilà, tu peux être rappeur si tu as envie d'être rappeur. Mais avant de faire cet atelier-là, est-ce qu'il vous raconte son histoire à lui? Il a écrit des chansons formidables. Il t'en parle au fur et à mesure. En fait, ce qui est bien, c'est d'arriver d'avoir lu le livre avant. Et dans ce livre-là, il en parle? Il parle beaucoup de techniques et il parle aussi des histoires. De ses chansons? Il peut te raconter des histoires, d'une chanson par exemple. Il y a une histoire qu'il nous raconte souvent, c'est, tu sais, Salut les amoureux. Oui, de Joe Dassin. Joe Dassin, ouais. C'est lui qui l'a écrit. Oui, je sais. Et que c'était une vraie histoire, parce que quand il se séparait d'une femme, Oui, oui, oui, c'est vrai. Et que quand ils sont descendus, effectivement, quelqu'un leur a dit « Salut les salut. Amoureux ouais. ». On s'est aimé comme on se quitte. Voilà, et donc il a écrit, effectivement, « On s'est aimé comme on se quitte » parce que… Hey, c'est-tu quand... que tu chantes souvent quand je travaille, moi? C'est vrai? Oui, parce que j'ai un travail qui me permet de venir ici. Et je la chante régulièrement parce que ça me permet de… Mais c'est une chanson sublime. Oui, oui, j'adore. Roméo, Juliette et tous les autres, oui, au fond d'un beau bouquin, Dormez en paix. Oui. Mais c'est bien écrit, c'est oui, un c'est... génie. C'est pour ça que je te disais, est-ce qu'il vous raconte? Il est énorme, cet homme-là. Oui, oui, il est énorme. Mais il est très, très humble. Très, oui, très mais c'est ça que j'allais dire. Son humilité est frappante. Parce qu'il y a des gens qui sont des moins que rien, qui ont un égo épouvantable. Oui, et Claude... Claude... C'est comme, enfin pour moi, les grands artistes c'est des écorchés vifs. Ouais. C'est des gens qui ont des grandes blessures. Et Claude, je pense qu'il a une grande blessure et ça se voit. Et donc, mais des fois il est excessif dans son comportement. Il n'est pas toujours socialement au bon endroit. Mais tant mieux, tant mieux. C'est lui. Voilà. Mais c'est un grand artiste. Oui. Est-ce qu'il écrit encore? Il écrit tout le temps. Claude, tu sais, j'ai envie de dire Claude, il n'est jamais disponible pour les événements sociaux. Parce qu'il t'a dit qu'il a du travail. Moi, il était invité aux 95 ans de ma prof de chant, parce que c'est une grande amie. Ben oui, ben, ah oui. Okay. Et alors, on était super bien reçus par des gens qui la connaissent bien dans un superbe appartement parisien. Il y avait des huîtres à volonté, du champagne, tout ce que tu veux. Et lui, il était là, oh, je déteste ce genre de soirée. Ok, ouais, il bougonnait un peu. Oui, il était un peu bougon, machin. Il dit, oh, je vais partir, alors qu'il était censé chanter ou lire un texte, je ne sais plus ce qu'il devait faire. Enfin, ah, il chante aussi, hein. Oui, alors c'est sublime quand il chante. Moi, je vais te dire, il y a des chansons que Claude a écrites. Quand je vais à son concert et que je il fait des concerts. Il fait des concerts, ouais. Et ben moi, je préfère quand il chante que quand c'est Dassin ou Julio Iglesias. Ben oui. Parce qu'il y a une vérité, il y a une espèce de sincérité, il n'y a pas de jeu. Est-ce que c'est un homme accessible? Oui, très. Très. Okay. Oui, si tu veux l'interviewer. Oui, c'est ça, exactement. Ah, oh, je suis sûre, oui, il sera content. Ok, ben, parfait. Oui, oui. Parce qu'on m'en parle tellement qu'il faut bien rencontrer la bête. Bah oui, il faut. C'est ça. Oui, oui, il est accessible. Il est rendu à quel âge, là? 70? Je crois qu'il a presque... Il a 75 maintenant. Ok. Ouais. Ok. L'année prochaine. Et puis c'est un méga super... Enfin, la chanson, c'est sa vie, quoi. Il reste à Paris? Il reste à Paris, oui. Il habite à Paris. À côté de Liège. Ah, en Belgique? Non, okay, Liège. Okay. Quand je dis Liège, c'est le métro. Ah oui, ok. Bon, je pense que oui. Il est rue de Moscou. Ok, ok. Et en fait, donc on a les ateliers soit chez lui, soit à la SACEM. Et puis après, quand il a des concerts, ça peut lui arriver d'aller faire des ateliers à La Réunion. La musique, c'est sa vie, t'imagines, il anime 4 ateliers d'écriture à peu près toutes les 2 semaines, samedi, dimanche, lundi. Et il n'est pas obligé. Non, non, non. Et il fait ça gratuitement. Ah oui? Oui. Nous, on ne paye pas. On ne paye pas les ateliers. Ouais, ouais. Ben voyons donc, il vit de quoi? Ben de ses droits d'auteur. Ben oui. Ben et donc, comme il considère qu'il a eu de la chance, okay. Et ben, c'est sa façon de transmettre. Mais je pense que c'est plus que ça. En fait, je pense qu'il en a besoin. Oui, c'est ça. C'est pas que ce qui... Oui, c'est qu'il aime cette émulsion d'avoir les artistes autour de lui. Ben, peut-être que ça lui permet aussi de créer encore, ouais. De rencontrer des gens. De... Voilà, ah, et donc l'écriture, c'est sa vie. Ouais. Ah, c'est touchant. Et puis, toi, à travers ces chansons-là, quand tu t'as préparé ce EP-là, tu voulais en faire un. Tu voulais faire un disque, tu voulais faire la carte de visite. Oui, exactement. Tout le monde. Mais... Le premier, ouais. Oui, le premier. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. Donc, c'est un petit bébé. C'est mon bébé, grave. Oui. Ouais. Oui. Lamia, dans sa chambre à Jeddah, se sent libre comme l'air, rêve d'un autre univers. Où les hommes ne seraient plus les rois. Quand elle se cache sous son voile, son parfum monte jusqu'au ciel, jusqu'au ciel. Lamia, Lamia, elle se voit, cheveux au vent, sans bague au doigt. Lamia, Lamia, ne dis pas tout haut tout ce qu'elle pense tout bas. Lamia sort de sa maison, elle se sent à l'étroit, mais elle garde la foi. Ailleurs il y a son nom.